Sur MC Tchon, on ferme les yeux parce qu'on aime pas les soucis. Sur terre, ça sent le roussi, ça se bousille pour des broutilles. Y'a trop de paraître de confrérie, de comportement d'illuminati. Version franc-maçonnerie, le plus fort marche sur l'autre. Fait plus malin, trace leur route, le cerveau fait pour l'or. A 2-10 dans la zone, il faut du liquide, une fondation. Si tu veux vivre et pas survivre, de Badalona à Paris. On embarque sur le même navire, c'est la galère qui nous tire. Dans la misère, on chavire. Le système coupe les vifs, serre les taux, monte les coups, fond du chiffre, rase les murs. Reste muet, reste crédit, jusqu'à chercher la petite souris. T'as qu'à rien qui est sous ton lit, on la veut pas, la vie de Tony. En attendant, on frotte le sol, cherche l'occasion, la bonne porte, la sortie, l'autre issue. Même si souvent on est déçu, dealer. N'oublie pas, ça vient de la rue, arrête ta pute. Tu provoques ta chute. Somos demasiado sus amenudo. Mal vista. Putado por el pie durant la calle. Vida loca. Somos demasiado sus amenudo. Mal vista. Putado por el pie durant la calle. Vida loca. C'est pour tous les ressortissants condamnés à l'étranger qui sont retrouvés coincés à la douane au péage. Dans les rouages de la corruption, comparution immédiate marque l'histoire. Mise à mort, le cachot c'est hardcore. Mentalement faut être fort, c'est des aléas ta street. Ça emprunte, ça se rembourse, ça varie, ça se repousse. Courtoisie se crache dessus, ça dégaine à plat vent. Quand ça part, ça subit, le corps entré dans la calandre. Ne rigole pas avec un rancunier, à tout moment il peut te cogner. Te feinter de faire un dribble, imprévisible, rappe pas sa cible. Toujours sur le qui-vive, on va là où le flow nous mène. Y'a de la crevasse, des orties. Un gringo averti en vaut deux amigos. Bah toi pour moi c'est fini depuis les années 90. Chacun sa merde, son vécu, ne pas franchir le territoire. Y'a des félins et des félins qui ont l'écrou, la grinta. Marche tout seul, énervé, arroge le pauvre le quartier. Imposant dictature comme Franck Lucas et Nino Brown. Accompagné de leur lieutenant dealer, ils s'approprient le trottoir. Somos demasiado sus amenudo. Mal vista. Putado por el pie durant la calle. Vida loca. Somos demasiado sus amenudo. Mal vista. Putado por el pie durant la calle. Vida loca. DJ Kilancho, buenos días, Badalona. Lancho, porte-parole du barrio. HFU, c'est... Badalona.